Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Vous avez peut-être entendu les avertissements de smog qui courent en ce moment et vous savez peut-être également que l'une des causes du smog est le chauffage au bois. C'est la raison pour laquelle, en août 2015, la Ville de Montréal a diffusé publiquement son règlement concernant les appareils et les foyers permettant l'utilisation d'un combustible solide. Alors, quel est le lien entre le chauffage au bois et le smog et quelle est l'efficacité du chauffage au bois? On en parle avec Marie-France Sottil. Bonjour Marie-France. Bonjour François. Alors tout d'abord, peux-tu nous préciser ce que dit ce règlement et quel type de chauffage il vise? Bon, alors il s'agit de poêles ou de foyers encastrés ou préfabriqués, conçus pour brûler du solide, c'est-à-dire des bûches écologiques, des granules, du charbon, mais pas des foyers au gaz par exemple, okay. Ou des foyers électriques. Alors la loi en détail, interdit l'utilisation d'appareils à combustible solide durant les avertissements de smog. Donc, il faut rester branché sur, mettons, Environnement Canada ou la radio. La loi oblige les propriétaires de ces mêmes appareils à les déclarer. J'ai vu le formulaire, c'est assez précis, c'est pointu, il faut même donner les taux d'émission de particules de son foyer. La loi interdit dès le 1er octobre 2018 l'utilisation d'appareils non certifiés. Et puis, pour qu'il soit certifié, il faut qu'il émette moins de 2,5 grammes par heure de particules fines. C'est la norme des États-Unis, ça, de l'US EPA. Okay. Finalement, la loi autorise l'utilisation d'appareils non certifiés, mais seulement lors de pannes d'électricité de plus de 3 heures. Okay. Donc, au moins, ils ne nous laisseront pas mourir. Mais pourquoi une action si musclée, si on peut dire? Ben, c'est triste à dire. Excusez-moi les romantiques, mais le bois n'est pas un moyen efficace pour se chauffer. Il pollue et il est nocif pour la santé. Ah bon, OK. C'est drôle parce qu'on a l'impression du contraire puisqu'on sait que les gens se sont chauffés au bois depuis des siècles, des millénaires. Ben oui, c'est naturel. Oui, c'est mais ça. Mais il y a des poisons violents tout dans la fait. Nature. Tout à fait. Alors, on va définir l'efficacité. Alors, c'est une notion qui signifie le pourcentage de chaleur générée dans la pièce par rapport à celle qui est perdue dans la cheminée ou vers l'extérieur. Mm-hmm. Le bois est le pire des moyens à ce chapitre, c'est-à-dire 50 à 60 d'efficacité. Oh là là. En comparant avec le chauffage électrique, c'est 100 d'efficacité. Mm-hmm. Ou la fournaise à gaz, 95% d'efficacité. Les poêles à bois les plus performants, là, les plus récents et... avec la meilleure technologie. Exactement, c'est 80% au plus d'efficacité. Okay. Et les vieux foyers à l'autre extrémité, ceux qui étaient en pierre, là, ce qui est romantique. Oui, qui est ouvert, là, pas de fenêtre, bon... Ça peut avoir même une efficacité négative. Ça pompe la chaleur de la maison pour l'envoyer dehors. OK. Alors, l'efficacité du chauffage au bois dépend aussi du type d'arbre ou de bois qu'on brûle, non? Absolument. Plus le bois est dur ou dense, plus il chauffe. OK. Par exemple, les meilleures essences sont le chêne, le hêtre, le bouleau, le frêne, avec plus de 22 mégaBTU par corde. OK. Retenez 22. Ouais, pas nécessaire ça. D'avoir plus limité, de... Là, c'est ça. C'est ça. Les pires espèces, le bois mou, sont le pin, le saule, le peuplier, avec moins de 12 mégaBTU par corde. Ça équivaut à 3 litres de mazout qu'on ferait brûler pour avoir de la chaleur. OK. Alors, quand l'efficacité est faible, on s'en doute, pour avoir la même chaleur, il faut mettre plus de bûches si on a du bois mou. Donc, brûler du bois mou, ça veut dire faire plus de pollution. Tout à fait. Ensuite, la chaleur produite dépend aussi de l'humidité. L'humidité dans le bois, là, il faut bien le faire sécher. On recommande d'abaisser l'humidité à 20 % minimum, maximum, pardon. OK. Donc, pour ça, il faut faire sécher le bois. Sinon, quand on le fait brûler, on commence par fournir de l'énergie pour évaporer l'eau, puis ensuite, la chaleur sert à chauffer la pièce. Donc, c'est encore moins efficace. Exactement. Les granules de bois, par exemple, sont assez efficaces là-dessus parce qu'elles sont vendues à moins de 20 % d'humidité. Il faut les conserver, évidemment, dans un endroit sec. Mm-hmm. Et les granules ont la merveilleuse propriété aussi de récupérer les résidus de l'industrie du bois. Il y a une espèce de valeur de recyclage. Et finalement, ce qui peut jouer aussi sur l'efficacité, c'est pour un même poêle, pour une même essence de bois, pour une même quantité d'humidité, on peut arriver à différentes efficacités selon la manière dont on fait fonctionner le poêle ou le foyer. L'idée, c'est de l'alimenter en oxygène avec la bonne quantité d'air. Alors, plus il y a de l'oxygène, plus la combustion est complète et efficace. Okay. Mais il faut faire attention, trop d'air, ça peut aussi baisser la température de la combustion. Ça, ce serait moins efficace. OK. Donc, il faut en mettre assez, mais pas trop non plus. Là. Exact. Alors, voilà pour l'efficacité énergétique. Et maintenant, qu'en est-il de la pollution produite par le chauffage au bois? Bon, encore une mauvaise nouvelle, le bois est beaucoup plus polluant que les autres combustibles comme l'huile ou les gaz naturels, même en considérant les nouveaux modèles les plus récents, les plus performants, même en utilisant des granules au lieu des bûches. OK. Si la combustion était complète, il y a seulement du dioxyde de carbone, le CO2, puis de l'eau qui serait rejetée dans l'atmosphère. Tout à fait. Mais ça n'arrive jamais. La preuve, il reste de la cendre dans votre foyer. Uh-huh. Alors, à part cette suie, là, cette cendre, les principaux produits de la combustion incomplète, c'est le CO, le monoxyde de carbone, les composés organiques volatiles, comme le méthane, les oxydes d'azote, les dioxines et furanes, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, qu'on appelle les HAP, et les particules fines. En fait, dans la fumée du feu, il y a plus d'une centaine de composés toxiques différents. Donc, si je comprends bien, le chauffage au bois génère plusieurs molécules potentiellement nocives, mais en termes de quantité, est-ce qu'il en génère suffisamment pour affecter la qualité de l'air? Au Québec, le chauffage au bois résidentiel est responsable de la moitié des émissions de particules fines. OK. Seulement pour les activités humaines. Bon. Alors, un poêle non certifié émet autant de particules fines dans l'atmosphère en 9 heures qu'une automobile pendant un an, si elle roule à peu près 18 000 km. D'accord. Les particules fines du chauffage au bois sont la principale cause du smog hivernal. On sait qu'il y a des gens qui sont affectés par ça, des gens qui sont déjà sensibles, qui ont une santé atteinte déjà. Et puis, la mauvaise nouvelle, c'est que la fumée de combustion est présente à l'intérieur aussi de la maison, pas seulement dans la cheminée ou vers l'extérieur, en particulier avec les foyers ouverts, ceux qui n'ont pas de porte. Okay. La quantité de contamination dépend du type d'appareil, de son installation, de la manière dont on s'en sert et ce qu'on met dedans, comme on expliquait plus tôt. Compte tenu de tout ça, le ministère de l'Environnement du Québec recommande carrément d'éviter le bois comme mode de chauffage principal. Pour limiter la pollution même, puis les changements climatiques, on en parlera plus loin, on déconseille aussi de faire des feux de camp à l'extérieur. Okay, ça va jusque-là. Oui. Et quels sont les impacts directs sur la santé humaine, Marie-France? Bon, alors, je vais essayer d'y aller sans respirer, là. Alors, des différents effets possibles, évidemment, selon le degré de pollution, là. Étourdissement, mal de tête, nausées, irritation des yeux et des voies respiratoires, aggravation des maladies cardio-respiratoires, cancer, décès prématuré. Puis quand on fait brûler des déchets domestiques ou des matières plastiques, du bois traité ou du bois enduit de peinture, c'est encore pire. Ah oui, ça, faut vraiment pas faire ça, non? Non. Les impacts sont différents selon la sensibilité de la personne, bien sûr, mais les enfants, les personnes âgées ou les personnes qui souffrent d'asthme, d'emphysème, de problèmes cardiaques sont les plus vulnérables. L'Association des ORL du Québec avance même qu'un système de chauffage au bois, c'est similaire à une maison de fumeurs. OK. On rigole pas. Oui, tout à fait. Alors, même dans les mêmes conditions... dans les meilleures conditions plutôt de chauffage au bois. Et la combustion requiert de l'oxygène. C'est un principe qui vaut pour tous les combustibles fossiles. Donc, où est-ce que l'oxygène est pris quand on fait un feu de foyer? Dans l'air ambiant. Et voilà. Mm-hmm. Donc, plus vous faites chauffer au bois, moins vous avez d'oxygène pour vous-même dans la maison. Au pire, dans la situation où vraiment vous feriez chauffer en continu, ben vous pourriez mourir d'asphyxie. OK. Ce qui n'est pas souhaitable. Alors, Marie-France, tu l'as dit plus tôt, la combustion du bois produit du CO2. Alors, est-ce qu'elle contribue aussi à l'effet de serre? Bien sûr, le bois produit du CO2, mais on peut se rappeler qu'il en a aussi stocké. C'est ce qu'il émet. c'est ce qu'il avait en lui. C'est ça. En principe, on dit qu'il est carboneutre. OK. Mais on sait maintenant que si on le laissait simplement pourrir dans, dans la forêt, le bois émettrait moins de CO2 qu'en se consumant. OK. Parce que lors de sa dégradation naturelle, d'autres plantes et micro-organismes l'habitent et contribuent à séquestrer du CO2 dans leurs propres cellules. Okay. En plus, si on considère la collecte du bois, le transport, la transformation en bûche, on émet bien plus de CO2 que si on le laissait mourir dans la forêt. Tout à fait. La combustion du bois produit aussi du carbone noir. C'est une composante de la suie qui est dissipée dans l'atmosphère. Ce sont des hydrocarbures non brûlés qui absorbent le rayonnement solaire puis contribuent à l'effet de serre. C'est une autre manière, finalement, de contribuer à l'effet de serre. La suie en question reste quelques jours dans l'atmosphère, voyage avec le vent sur des très grandes distances, puis quand elle se dépose, elle accélère la fonte de la neige et de la glace. On sait qu'une surface noire retient plus la chaleur qu'une surface blanche. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres dommages pour l'environnement qui sont associés au chauffage du bois? Quand on brûle le bois, ça vient rarement d'une plantation. Ça vient des forêts naturelles qui sont bien plus que des terrains avec des arbres. Ce sont des écosystèmes qui relient une multitude d'organismes et de processus. Donc, couper une forêt, c'est une atteinte à la biodiversité, aux habitats, à l'hydrologie, en plus de favoriser l'érosion du sol. Mais le bois qui reste quand même... Est-ce que le bois... le bois, est-ce que ça reste quand même une énergie renouvelable, non? Bon, un autre mythe à déconstruire. Ouais. Pour vraiment qualifier le bois de ressource renouvelable, il faudrait replanter des arbres et les faire pousser à la même vitesse qu'on les brûle. À l'échelle du Québec, le volume coupé octroyé aux industries forestières a diminué beaucoup avec le temps, c'est-à-dire il y a eu une loi là-dessus. Mais ailleurs dans le monde, on assiste vraiment à un bilan négatif, à une déforestation, pour faire place à l'agriculture, au pâturage ou à l'urbanisation carrément, mettre des villes à la place de la nature. Alors, à l'échelle du globe, on peut dire que l'effet de serre est accéléré par la déforestation. Ce n'est pas une énergie renouvelable propre, même si on la plantait, la forêt, à la même vitesse qu'on la consommait, parce qu'on l'a dit, c'est nocif pour la santé et il y a plein de polluants qui sont émis. Et puis, si on veut choisir vraiment une énergie renouvelable, bien, on peut prendre l'hydroélectricité ou l'éolien ou le géothermique ou le solaire, n'importe quoi d'autre est plus propre. Mmh. Et pour terminer, à tes connaissances, Marie-France, est-ce que Montréal est la seule ville qui dispose d'un tel règlement? À ma connaissance, au Québec, c'est la seule ville. OK. Alors, je pense que Québec pourrait quand même aussi bénéficier de l'existence d'un tel règlement, n'est-ce pas? Bonne chance. Oui. Alors, merci beaucoup, Marie-France, pour cette mise au point sur le chauffage au bois. Alors, nous allons faire une pause musicale et nous allons vous revenir après avec Marie-Claude Dionne.